Oui, au sujet du coup de la question du bourreau comme d'une victime. Alors ça, bien entendu, je l'ai eu, cette réflexion-là, plus tard. J'ai eu plus tard et ça s'est mieux construit d'ailleurs au cours de la préparation de ma thèse par les entretiens que j'ai pu avoir avec notamment François Le Bigot, un psychiatre de l'armée, et puis avec d'autres, un autre psychiatre qui lui avait fait d'ailleurs la guerre d'Algérie, et qui n'était pas de l'armée, mais qui également avait eu l'occasion de soigner des anciens de la guerre d'Algérie. Donc, une réflexion me faisait par mail, parce que il y a un article qui vient de paraître sur mon livre dans une revue qui s'appelle Passerelle, qui est une revue algérienne, qui a pu avoir connaissance de mon livre, qui ont été très intéressés. Donc, ils ont publié ce mois-ci dans leur revue Passerelle, qui. Je ne l'ai pas eu encore, mais je sais que c'est paru. Et le journaliste avec qui j'ai eu un entretien, qui m'a notamment posé 16 questions. Une d'elles, c'était celle-là, c'est-à-dire, mais vous semblez excuser les bourreaux, ces grands torturés. On n'est pas parti. Était condamnable. Alors j'ai répondu effectivement que, en tant que chercheur, je n'avais pas à prendre parti. Je faisais une analyse comportementale, en fait, de l'individu à un moment donné, et que si je parle du bourreau comme étant victime, et que je parle de la victime et du bourreau, c'est que le bourreau reste. Est avant tout il reste un être humain. Et ça a été pour moi un travail d'analyse que je n'ai pas fini d'ailleurs. Je vais reprendre mon travail. Intéressant parce que j'ai entendu très souvent dans des réunions que j'ai pu faire, à l'époque, et puis encore quelques années, ou des rencontres dans des lycées. Oui, mais c'est un bro. C'est quand même des gens à part. Ça veut dire, moi je ne suis pas de cette théorie-là. C'est une autre race, c'est un peu comme ça que ça s'exprime. Et en fait, ce que je veux lui dire, c'est que celui qui commet des actes François Le Bigot me qualifiait ça, il parlait de la grande loi, lui. Lui, il parle de la grande loi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande loi? Eh bien, c'est celle que chacun d'entre nous a dans son for intérieur, qui lui commande ses comportements humains. Car en fait, la loi des droits de l'homme, ce n'est qu'une loi humaine, celle qui est écrite comme ça par des hommes. Mais la grande loi que chacun porte en soi, c'est celle qui met en relation l'individu avec lui-même et avec les autres. Et cette grande loi, va faire de sorte que quand il va commettre un certain nombre d'actes, ça va faire qu'il va porter ça en lui et qu'il va en souffrir et qu'il va peut-être même être traumatisé. Très longtemps, j'ai cru comprendre effectivement que le bourreau n'avait pas ce comportement d'humain et qu'il se protégeait comme cela parce qu'il était en dehors du comportement de l'être humain normal, c'était à part, et c'était pour ça qu'il était bourreau, et que, en fin de compte, il se complaisait dans ce rôle. Alors, il est vrai qu'au moment du crime, s'agissant du crime collectif, mais qui est quand même un crime individuel, car il y a eu crime vis-à-vis de l'homme pendant la guerre d'Algérie, de l'armée française, mais l'exécutant était un individu à chaque fois. Alors, la honte. Et là, le problème de la honte, tu as honte de ce que tu fais. Et il y a Vincent de Gaulé-Jacques, qui a écrit qui a fait partie de mon jury, qui a écrit un très bon livre. Et je ne savais pas quand j'ai acquis son livre et je l'ai lu, qu'il serait un jour mon membre de mon jury. C'est Michel qui me l'a conseillé. Et j'étais très content. Au moment de la soutenance, a expliqué qu'en fait, mais il le dit dans son livre, c'est que le bourreau, tant qu'il n'a pas la honte, il se protège. À partir du moment qu'il a la honte, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire qu'il va commencer effectivement à ce moment-là à considérer que l'autre est semblable à lui. Et là, il va commencer effectivement à être la victime. La honte va le rendre victime. Car il va considérer que l'autre à qui il a fait du mal, c'est un être humain comme lui. Voilà ce que j'ai voulu dire. Comment elle s'appelle ? Le Eichmann à Jérusalem. Ça me fait penser à ça. Eichmann à Jérusalem, cherche son nom. Arendt. Arendt. Anna Arendt. Anna Arendt le dit bien. Elle dit, les juges ont eu le tort de suivre le réquisitoire du procureur quand il a dit que Eichmann, il avait commis tous ces crimes parce que c'était un bourreau. À ce moment-là, le procureur, dans une certaine mesure, le considérait comme, non pas excusable, mais comme sorti de l'espèce humaine, il était différent des autres. Or, dit Arendt, mais le problème, c'est qu'il y en avait des milliers de bourreaux comme Eichmann. Donc, etc. Et c'est vrai. Et je me suis rangé à cette philosophie qu'on peut dire que le bourreau est aussi victime. Alors, c'est sûr que dans l'action, on ne le disait pas. Hein, pendant, je ne sais pas si vous avez lu ces passages sur mon copain Bernard, tout de suite, quand il me dit le lendemain matin, ayant vu ce comportement qu'il avait au quotidien dans les patrouilles, d'insulter, de faire des petites saloperies, ouais, et qu'un jour il me dit, tiens, cette nuit, je tenais la tête du coup, pendant que l'autre le coupait. Alors là, je l'ai. Je dis, hein, c'est pas possible que Bernard fait des choses pareilles. On a vécu ensemble, et depuis un an et demi ensemble, etc. Donc je le condamne. Et puis, j'explique dans mon livre. Petit à petit, ça me travaille. Je me dis, bon, il faut maintenant que je lui parle différemment. En fait, Bernard, c'est un gars comme moi. Un lectrice me faisait des compliments sur mon livre. Ah, votre prototype, Bernard. Ah, non, c'est pas un prototype. Il est pris comme ça. Voilà comment j'explique qu'effectivement, à terme, après, quand il commence à avoir honte, le bourreau devient, redevient. Et quand je dis tout ça, je vais beaucoup plus loin, mais je n'ai pas dit comme ça, j'espère que le lecteur le comprend. Tout un chacun peut, à un moment donné, selon son environnement, devenir aussi le bourreau d'un autre, le bourreau. Donc, l'environnement est propice à laisser l'individu se laisser... faire de sorte que l'individu va se laisser aller à ce qui est contraire à l'espèce humaine, c'est-à-dire le raisonnement, plutôt que l'acte impulsif, la raison individuelle. La grande loi dont parle François Le Bigot doit l'empêcher de faire. Mais comme il est un être humain et qu'il est fragile, il va quand même le faire. Oui, c'est-à-dire que c'est sûr que l'acte de bourreau est en désharmonie avec, avec l'intelligence humaine, c'est clair. L'intelligence prise au sens de l'humain, pour moi, c'est clair. La grande différence, malgré tout, entre, je ne traite pas de ça, hein, je ne suis pas psychiatre, mais la grande différence entre l'acte isolé du crime passionnel, l'homme et la femme, ou du crime du mec qui a les gendarmes, j'ai entendu ça ce matin, en fait divers, qui ont été tués là, parce qu'il y a deux mecs qui cambriolaient, ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Donc, et puis, ce que j'analyse, c'est-à-dire l'engagement collectif d'un crime d'État, c'est quand même très différent. C'est-à-dire que ces crimes-là, qui engagent collectivement un pays, disons, ça peut être une tribu, sont en désharmonie complète avec le système intellectuel de l'intelligence de l'homme. Et c'est pour ça qu'il faut les laisser dans l'ordre humain, parce que ça nous aide à être en permanence vigilants. Toujours méfiants, si vous voulez, à la limite, en prenant ce terme un peu fort, méfiants de ce que peut de ce que peut amener un humain dans sa faiblesse. Parce que c'est vrai qu'à la limite, le bourreau est un être faible. Il a besoin du sang, il a besoin de cette violence pour se satisfaire. Donc c'est une très grande faiblesse par rapport à l'intelligence qui est en lui. Mais il a trahi cette intelligence. Donc laissons le bourreau parmi nous, parce que nous avons la modestie de croire l'homme est fragile et qu'il peut être bourreau. Alors, c'est sûr que le crime passionnel, il faut sortir l'homme parce que il faut que la République, il faut que la démocratie se protège. On est bien d'accord. Mais encore faut-il qu'on ne soit pas hors la loi. Or, la loi en Algérie était bafouée. La loi de la démocratie était bafouée puisqu'il n'y avait pas punition. C'est ça le problème fondamental. C'est-à-dire que la punition amène à avoir honte, amène un individu à se pencher sur lui-même et à avoir honte. Donc il y avait impunité, puisque c'était des crimes répétés. À partir du moment de là, on est sorti des lois de classiques de notre démocratie, au sens où nous l'entendons. Et raison de plus, pour ne pas sortir dans ces cas-là les bourreaux de notre collectif. Car on est dans ce collectif, on se sent aussi vachement responsable. Et Bernard, je me sentais vraiment responsable de ce qu'il faisait. Parce que après, j'allais vers lui, j'ai essayé de discuter avec lui. Donc c'est que je me sentais vachement responsable aussi, sinon je l'aurais laissé.